Jeune fille au joli hall, autrefois vous vous saviez si belle, fard à paupières et gants de dentelle, jamais vous n'auriez manqué un bal. La java, le tango, le foxtrot, toute la nuit tournoyaient les notes. Les hommes, l'accordéon, la boisson. Dans ce manège, vous n'étiez qu'un pion, inconnu, errant par les soirs, vous nourrissiez jadis l'espoir de vous réveiller au petit jour, de commencer une histoire d'amour. Non, ce temps est bien loin maintenant. Où vous rêviez au prince charmant, vous n'avez vu que des Don Juan qui pensent à la prochaine en jouant. Depuis longtemps c'est terminé. Tous les matins de vous maquiller en robe à carreaux toute plissée, en pantoufles chignons emmêlées. À quoi bon offrir des attentions qui seront nouvelles désillusions? À présent, vous avez ce teckel. Lui, au moins, vous restera fidèle. La douda. Da oui, ba di da ri da zi ba da doa, di li da dui da bi da dui, du di du da dui ba di da dru, di bu du ga di da bri. Baida Ubada Dauda Be Bedude Dadi Dura Lai Vizu Yu Du Robwe Dauda Wida Badi Dui Duda Dua.